Premier discours, première partie. Suite. Elagabal n'était pas cependant dépourvu de courage. Le pressentiment d'une vie courte le poursuivait. Il avait préparé, pour se tuer, à tout événement, des cordons de soie, un poignard d'or, des poisons renfermés dans des vases de cristal et de porphyre, une cour intérieure pavée de pierres précieuses, sur lesquelles il comptait se précipiter du haut d'une tour. Ses ressources lui manquèrent, il vécut dans des lieux infâmes, et fut tué dans des latrines avec sa mère. On lui coupa la tête, son cadavre, traîné jusqu'à un égout, ne put entrer dans l'ouverture trop étroite. Ce hasard valut à Elagabal les honneurs du Tibre, d'où il reçut le surnom de Tiberius, équivoque qui signifiait « le noyé dans le Tibre » ou « le petit Tibère ». Ainsi les Romains jouaient avec leur infamie. Quand le despotisme descend si bas que sa dégradation lui ôte sa force, les esclaves respirent un moment. Dans les temps d'opprobre, le mépris tient quelquefois lieu de liberté. N'oublions pas, afin d'être juste, qu'Elagabal était un enfant. Il n'avait guère que 22 ans quand il fut massacré, et il avait déjà régné 3 ans, 9 mois et 4 jours. Sa mère, son siècle, et la nature du gouvernement dont il devint le chef, le perdirent. Les mêmes femmes, dont l'ambition s'était trouvée mêlée au règne de Caracalla, de Macrin et d'Alagabal, contribuèrent à la chute de ces derniers princes et amenèrent l'inauguration de son successeur. Soémis avait déterminé son fils à créer Auguste, son cousin Alexandre. Elagabal, jaloux de la vertu d'Alexandre, essaya d'abord de le corrompre. N'y pouvant réussir, il le voulut tuer. Mamé, pour le sauver, le conduisit au camp des prétoriens. Une réconciliation eut lieu et dura peu. Elagabal massacré, son cousin reçut la pourpre. Chaque empereur, en passant au trône, y laissait quelque chose pour la destruction de l'empire. Le luxe qu'Elagabal avait exagéré dans les ameublements, les vêtements et les repas resta, a daté de ce règne la profusion de la soie et de l'or, les largesses aux légions à l'air croissant. Le prince syrien avait fait frapper des pièces d'or, les unes doubles et quadruples des anciennes, les autres ayant 10, 50, 100 fois cette valeur. Il distribuait cette monnaie aux soldats, à l'exemple de ses prédécesseurs, mais comme il comptait par le nombre et non par le poids des pièces, il centuplait quelquefois le prix du présent. Or, pour changer les mœurs d'un État, il suffit d'en changer les fortunes. L'empereur, Elagabal n'étant plus, on renvoya en Syrie le dieu Elagabal, introduit à Rome avec son grand prêtre. Un décret interdit à jamais l'entrée du Sénat aux femmes. Les essais du despote d'Asie n'en avilirent pas moins les antiques institutions. Jupiter Capitolin avait cédé sa place au soleil, et une femme avait siégé dans des senatus consultes. La religion est si nécessaire à la durée des États que même lorsqu'elle est fausse, elle entraîne en s'écroulant l'édifice politique. L'ancienne société périt avec le polythéisme, mais dans son sein s'est élevé un autre culte, prêt à remplacer le premier et à devenir le fondement d'une société nouvelle. Alexandre Sévère, prince économe et de bon sens, consacra presque tout son règne à des réformes. Dans les vieux gouvernements, l'administration se perfectionne à mesure que les mœurs se détériorent. La civilisation passe de l'âme au corps. Malheureusement, Alexandre ne put détruire le mal que le temps avait fait. Les légions, séditieuses et avides, ne pouvaient plus être réformées que par le fer des barbares. Sous la 4e année du règne de ce prince, on place une révolution en Orient. Après qu'Alexandre le Grand eut passé et que les Romains, sans les couvrir, se furent répandus sur ses traces, la monarchie des Parthes se forma. Artaban, dernier rejeton de la dynastie des Arsacides, était encore sur le trône lorsque Alexandre Sévère fut mis à la tête du monde romain. Artaban avait été ingrat envers un de ses sujets, qui ne fut pas assez généreux pour pardonner l'ingratitude. Il se révolte contre son maître, le renverse et s'assied dans sa place. Il se nommait Artaxérès. Fils adultérin de la femme d'un tanneur et d'un soldat, il prétendit descendre des souverains de Babylone. On ne conteste point la noblesse des vainqueurs, il fut ce qu'il voulut être. Proclamé l'héritier et le vengeur de Darius, il fit quitter à sa nation le nom des Parthes pour reprendre celui des Perses. établit un empire fatal à Rome, lequel, après avoir duré 425 ans, fut renversé par les Sarrasins. Non content d'avoir affranchi sa patrie, Ataxerès redemanda aux Romains les provinces qu'ils occupaient dans l'Orient. Voulait-il se faire légitimer par la gloire ? On ne sait si Alexandre Sévère vainquit Artaxerès, mais il revint à Rome et triompha. De là, il se rendit dans les Gaules. Les mouvements des Goths et des Perses, aux deux extrémités de l'Empire, avaient obligé les Romains à porter leurs principales forces sur le Danube et sur le Frate, et à retirer 5 des 8 légions qui gardaient les bords du Rhin. L'invasion des chrétiens suivait parallèlement celle des barbares. Mamé, mère d'Alexandre, professait peut-être la religion nouvelle, du moins inspira-t-elle à son fils un grand respect pour cette religion. Il adorait, dans une chapelle domestique, l'image de Jésus-Christ entre celle d'Apollonius de Tyane, d'Abraham et d'Orphée. À l'exemple de la communauté chrétienne qui publiait les noms des prêtres et des évêques avant leur ordination, il promulguait les noms des gouverneurs de province afin que le peuple pût blâmer ou approuver le choix impérial. Il prenait pour règle de conduite la maxime « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Il avait ordonné qu'elle fût gravée dans son palais et sur les murs des édifices publics. Quand le crieur châtiait un coupable, il lui répétait la sentence favorite d'Alexandre. Une seule parole de l'Évangile créait un prince juste au milieu de tant de princes iniques. Mais les jurisconsultes, placés dans les conseils et dans les charges de l'État, Sabin, Ulpien, Paul, Modestin, étaient ennemis des disciples de la croix. Leur culte paraissait à ces magistrats, amateurs et gardiens du passé, une nouveauté destructive des anciennes lois et des vieux autels. Ulpien avait formé le 7e livre d'un traité sur le devoir d'un consul, des édits statuant les délits à punir et les peines à infliger aux chrétiens. Ulpien, préfet du prétoire, égorgé de la main de ses soldats, avait été disciple de Papinien. On compte ensuite Paul et Modestin. À ce dernier s'éteint le flambeau de cette jurisprudence dont les oracles furent recueillis par Théodose le Jeune et par Justinien. Au surplus, si les belles lois attestent le génie d'un peuple, elles accusent aussi ses mœurs, comme le remède dénonce le mal. Au commencement, les Romains n'eurent point de lois écrites. Sous leurs 3 derniers rois, une 40aine de décisions furent recueillies sous le nom de Code Papyrien. Les 12 tables composant en tout 150 textes, soit qu'elles aient été ou non empruntées à la Grèce et expliquées par l'exilé Hermodore, suffirent à la République tant qu'elle conserva la vertu. Vinrent ensuite, toujours sous la République, le droit flavien et le droit aélien. Avec Auguste commença sous l'Empire la loi Regia qu'on a niée, et successivement s'entassèrent les diverses constitutions des empereurs jusqu'au code grégorien et hermogénien. Alors les Romains corrompus n'eurent plus assez des senatus consultes, des plébiscites, des édits des princes, des édits des prêteurs, des décisions des jurisconsultes et du droit coutumier. La famille en vieillissant multipliait les cas de jurisprudence. L'esprit des tribunaux se subtilisait à mesure que s'enchevêtraient les rapports des choses et des individus. 2000 volumes, compilés par Tribonien, forment le corps du droit romain sous le nom de code, de digeste ou pandectes, d'institutas et de novelles, sans parler du droit grec-romain ou de la paraphrase de Théophile et des 7 volumes in folio des basiliques, ouvrages des empereurs Basile, Léon le philosophe et Constantin Porphyrogénète. Solide masse qui a survécu à Rome, mais qui n'a pu l'arc-bouter assez pour l'empêcher de crouler. La société vit plus par les mœurs que par les lois, et les nations qui ne sauvent pas leur innocence périssent souvent avec leur sagesse. Pendant les règnes de Sévère, de Caracalla, de Macrin, d'Elagabal et d'Alexandre, le pape Zéphirin succéda à Victor, martyr, Calixte à Zéphirin, Urbain à Calixte et Pontien à Urbain. Minucius Félix écrivit son dialogue pour la défense du christianisme. Minucius se promène un matin au bord de la mer à Ostie avec Octavius, chrétien, et Cecilius, attaché au paganisme. Les trois interlocuteurs regardent d'abord les enfants qui s'amusaient à faire glisser des cailloux aplatis sur la surface de l'eau. Ensuite, Minucius s'assied entre deux amis. Cecilius, qui avait salué une idole de Sérapis, demande pourquoi les chrétiens se cachent, pourquoi ils n'ont ni temple, ni autel, ni image. Quel est leur Dieu? D'où vient-il? Où est-il, ce Dieu unique, solitaire, abandonné, qu'aucune nation libre ne connaît? Dieu de si peu de puissance qu'il est captif des Romains avec ses adorateurs. Les Romains, sans ce Dieu, règnent et jouissent de l'empire du monde. Vous, chrétiens, vous n'usez d'aucun parfum. Vous ne vous couronnez point de fleurs. Vous êtes pâles et tremblants. Vous ne ressusciterez point comme vous le croyez. Et vous ne vivez pas en attendant cette résurrection vaine. Octavius répond que le monde est le temple de Dieu, qu'une vie pure et les bonnes œuvres sont le véritable sacrifice. Il réfute l'objection tirée de la grandeur romaine et tourne à leur avantage le reproche de pauvreté adressé aux disciples de l'Évangile. Cecilius se convertit. Peu de dialogues de Platon offrent une plus belle scène et de plus nobles discours. Origène, fils d'un père martyr, ouvrit à Alexandrie son école chrétienne. Il y enseignait toutes sortes de sciences. Mamée, mère de l'empereur, le voulut voir. Les païens et les philosophes assistaient à ses cours, lui dédiaient des ouvrages et le vantaient dans leurs écrits. Il avait appris l'hébreu. Il étudiait encore l'écriture dans la version des Septante et dans les trois versions grecques d'Aquila, de Théodotion et de Symmaque. Il composa un si grand nombre d'ouvrages que 7 sténographes étaient occupés à écrire chaque jour sous sa dictée. On connaît sa faute et sa condamnation. Il eut le génie, l'éloquence et le malheur d'Abélard sans le devoir à une passion humaine. Il n'eut de faiblesse que pour la science et la vertu. C'est dans Origène que s'opéra la transformation du philosophe païen dans le philosophe chrétien. Sa méthode était d'une clarté infinie, sa parole d'un grand charme. D'autres écrivains ecclésiastiques se firent aussi remarquer alors, en particulier Hippolyte, martyr, et peut-être évêque d'Ostie. Il inventa à l'effet de trouver le jour de Pâques un cycle de 16 ans qui nous est parvenu. Vous avez vu Alexandre partir pour les Gaules, où 3 légions seulement étaient restées. Le désordre s'était mis dans ces légions. L'empereur s'efforça d'y établir la discipline. Elles se soulevèrent à l'instigation de Maximin. Le fils de Mamée avait déjà régné 13 ans et promettait de vivre. C'était trop. Les largesses que les gens de la pourpre faisaient aux soldats à leur élection devinrent pour eux une nouvelle cause de ruine. L'empire était une ferme que le prince prenait à bail, moyennant une somme convenue, mais avec une clause tacite en vertu de laquelle il s'engageait à mourir promptement. Des assassins suscités par Maximin tuèrent Alexandre avec sa mère dans le bourg de Cécila, près de Mayence. L'Empire perdit le reste d'ordre dans lequel nous l'avons vu se survivre jusqu'ici. Guerre civile, invasion générale des barbares, territoire démembré, province saccagée, plus de 50 princes élevés et précipités. Tel est le spectacle qu'on a sous les yeux pendant un demi-siècle, jusqu'au règne de Dioclétien, où le monde se reposa dans d'autres malheurs. Un État qui renferme dans son sein le germe de sa destruction marche encore si personne n'y porte la main. Mais au moindre choc, il se brise. La science consiste à le laisser aller sans le toucher. Maximin remplaça Alexandre. Voici un premier barbare sur le trône, et de cette race même qui produisit le premier vainqueur de Rome. Il était né en Thrace. Son père se nommait Mica et était Goth. Sa mère s'appelait Abava et descendait des Alains. Pâtre d'abord, il devint soldat sous Septime Sévère, centurion sous Caracalla, tribun sous Alagabal, qu'il fut au moment de quitter par pudeur, et enfin le commandant des nouvelles troupes levées par Alexandre. Cet ambitieux barbare sacrifia son bienfaiteur. Il avait 8 pieds et demi de haut, il traînait seul un chariot chargé, brisait d'un coup de poing les dents ou la jambe d'un cheval, réduisait des pierres en poudre entre ses doigts, fendait des arbres, terrassait 16, 20 et 30 lutteurs sans prendre haleine, courait de toute la vitesse d'un cheval au galop, remplissait plusieurs coupes de ses sueurs, mangeait 40 livres de viande et buvait une amphore de vin dans un jour. Grossier et sans lettres, parlant à peine la langue latine, méprisant les hommes, il était dur, hautain, féroce, rusé, mais chaste et amateur de la justice. Il était brave aussi, bien qu'il ne fût pas comme Alaric, de ces soldats dont l'épée est assez large pour faire une plaie qui marque dans le genre humain. On sent ici une nouvelle race d'hommes, laquelle avait trop de ce que l'ancienne n'avait plus assez. Dieu prenait par la main l'enrôlé dans ses milices pour le montrer à la terre et annoncer la transmission des empires. Il n'y avait que 13 années entre le règne d'Elagabal et celui de Maximin. L'un était la fin, l'autre le commencement d'un monde. Ainsi, une même génération de Romains eut pour maître, en moins d'un quart de siècle, un Africain, un Assyrien et un Goth. Vous allez bientôt voir passer un Arabe. De ces divers aventuriers candidats au despotisme qui affluait à Rome, aucun ne vint de la Grèce. Cette terre de l'indépendance se refusait à produire des tyrans. En vain, les Goths firent périr ses chefs-d'œuvre. La dévastation et l'esclavage ne lui purent ravir ni son génie ni son nom. On abattait ses monuments et leurs ruines n'en devenaient que plus sacrées. On dispersait ses ruines et l'on trouvait au-dessous les tombeaux des grands hommes. On brisait ses tombeaux et il en sortait une mémoire immortelle. Patrie commune de toutes les renommées, pays qui ne manqua plus d'habitants car partout où naissait un étranger illustre, là naissait un enfant adoptif de la Grèce. En attendant la résurrection de ces indigènes de la liberté et de la gloire qui devaient un jour repeupler les champs de Platée et de Marathon. Les Romains, revenus de leur surprise, se soulevèrent. Ils ne supportèrent pas l'idée d'être gouvernés par un Goth devenu citoyen en vertu du décret général de Caracalla, comme s'il était séant à ses esclaves de montrer quelque fierté. Des conspirations éclatèrent et furent punies. Maximin prétendait réformer l'Empire de la même façon qu'il avait rétabli la discipline des légions par des supplices. À la moindre faute, il faisait jeter aux bêtes, attacher en croix, coudre dans des carcasses d'animaux nouvellement tués, les principaux citoyens. Il détestait le Sénat et ses patriciens, les plus vils et les plus insolents des hommes. Il avait la faiblesse de rougir de sa naissance devant ces nobles, qui oubliaient trop lâchement leur origine pour avoir le droit de se remémorer la sienne. Des amis qu'il avait secourus lorsqu'il était pauvre furent massacrés. Il ne leur put pardonner leurs souvenirs. Ce n'étaient pas les témoins de sa misère qu'il devait tuer, c'étaient ceux de sa fortune. Il inspira une telle frayeur aux sénateurs qu'on fit des prières publiques afin qu'il plût au Dieu de l'empêcher d'entrer dans Rome. On l'avait appelé Hercule, Achille, Ajax, Milon, le Crotoniate. On le nomma Cyclope, Phalaris, Busiris, Siron, Typhon et Gyges, peuple retombé par la corruption dans les fables, comme on retourne à l'enfance par la vieillesse. Maximin bâtit les Sarmates et les Germains. Il mandait au Sénat : Nous ne saurions vous dire ce que nous avons fait, père conscrit, mais nous avons brûlé les bourgs des Germains, enlevé leurs troupeaux, amassé des prisonniers et exterminé ceux qui nous résistaient. Une autre fois, j'ai terminé plus de guerres qu'aucun capitaine de l'Antiquité, transporté dans l'Empire romain d'immenses dépouilles et fait tant de captifs qu'à peine les terres de la République pourraient les contenir. Mais l'Afrique se soulevait et proclamait Auguste les deux Gordiens, le père et le fils. Gordien le Vieux, proconsul d'Afrique, descendait des Gracques par sa mère, de Trajan par son père, de ce que Rome libre et esclave eut de plus illustre. Son père, son aïeul, son bisaïeul et lui-même avaient été consuls. Ses richesses ne se pouvaient compter. On citait ses jeux, ses palais, ses bains, ses portiques. C'était bien des prospérités pour mourir. Il est vrai que l'Empire l'atteignit malgré lui. Un receveur du fisc ayant été massacré à Tisdrus, en Afrique, les auteurs du meurtre, pour échapper à la vengeance de Maximin, revêtirent Gordien le Vieux des insignes de la puissance. Il les repoussa, se roula par terre en pleurant. Résistance inutile, on le condamna à la pourpre. Gordien le Jeune fut salué Auguste. Ami des lettres, il déplorait les malheurs de sa patrie entre les femmes et les muses. Le Sénat confirma l'élection des deux Gordiens et déclara Maximin ennemi de la République. L'empereur, à cette nouvelle, se heurta la tête contre les murs, déchira ses habits, saisit son épée, voulut arracher les yeux à son fils, but et oublia tout. Le lendemain, il assemble ses troupes. « Camarades, les Africains ont trahi leur serment. C'est leur coutume. Ils ont élu pour maître un vieillard à qui le tombeau conviendrait mieux que l'Empire. Le très vertueux Sénat, qui jadis assassina Romulus et César, m'a déclaré ennemi de la patrie, tandis que je combattais et triomphais pour lui. Marchons contre le Sénat et les Africains. Tous leurs biens sont à vous. » Lorsque Maximin tenait ce discours, il n'avait déjà plus rien à craindre des Gordiens. Capellien, gouverneur de la Numidie, fidèle à Maximin, gagna une bataille où le jeune Gordien perdit la vie. Le vieux Gordien s'étrangla avec sa ceinture pour ne pas survivre à son fils et pour sortir librement des grandeurs où il était entré de force. Le Sénat désigna deux nouveaux empereurs, Maximin Papien, brave soldat, et Claude Balbin, orateur et poète. Il est choisi parmi les 20 commissaires qu'il avait chargés de la défense de l'Italie. Petit-fils du vieux Gordien et neveu ou fils du jeune, un troisième Gordien âgé de 13 ans fut en même temps proclamé César. Des messagers coururent de toutes parts, ordonnant aux habitants des campagnes de détruire les blés, de chasser les troupeaux, de se retirer dans les villes et d'en fermer les portes à Maximin. Cependant, un accident avait fait éclater à Rome la guerre civile. Il y eut des assauts, des combats, des incendies. La présence de l'enfant Gordien apaisa le tumulte. Les deux parties se calmèrent à la vue de la pourpre ornée de l'innocence et de la jeunesse. L'empereur n'avait point communiqué son ardeur à ses soldats. Sa rigueur à maintenir la discipline lui avait enlevé l'amour des légions. Il mit le siège devant Aquilée. Les habitants se défendirent. Les femmes coupèrent leurs cheveux pour en faire des cordes aux machines de guerre. En mémoire de ce sacrifice, un temple fut élevé à Vénus la Chauve. La fortune se retira de Maximin. On le massacra, lui et son fils. Le courrier qui transmit à Rome le message de l'armée trouva le peuple au théâtre. C'était là qu'on était toujours sûr de le rencontrer. Ce peuple, tourmenté de grandeur et de misère, nourri dans les fêtes et les proscriptions, devina la nouvelle avant de l'avoir entendue. Il s'écria « Maximin est mort ». Les jeux finissent, on court au temple remercier les dieux. Tradition et moquerie des grands hommes et des hauts faits de la liberté républicaine. La tête de l'Auguste et celle du César furent dépêchées au Sénat. Le fils du géant Maximin avait été instruit dans les lettres. Ses goûts, ses manières, sa parure étaient élégants et recherchés. Beaucoup de femmes l'avaient aimé. Au lieu de l'armure de fer de son père, il portait une cuirasse d'or, un bouclier d'or, une lance dorée, un casque enrichi de pierreries. Après sa mort, son visage meurtri, souillé de sang et de poussière, offrait encore des traits admirables. On avait jadis appliqué au jeune César les vers où Virgile compare la beauté du fils d'Evandre à l'étoile du matin sortant, tout humide, du sein de l'océan. Son sort attendrit un moment la populace, qui brûla dans le champ de Mars, avec 1000 outrages, la tête charmante sur laquelle elle venait de pleurer. Ainsi finirent ces deux Gaules souverains à Rome, avant Alaric, mais par la pourpre et non par l'épée. Il faut fixer au règne de Maximin le commencement de cette succession d'empereurs militaires nés des circonstances qui, demi-barbares, soutinrent l'Empire contre les efforts des barbares. C'est aussi à cette époque qu'éclata la rivalité du Sénat et de l'armée pour l'élection du prince. Nouvelle cause de destruction ajoutée à toutes celles qui fermentaient dans l'État. Ce Sénat, d'ailleurs si abject, avait jusque-là conservé par ses traditions de gloire, par son nom, par la richesse de ses membres et les dignités dont ils étaient revêtus, une sorte de puissance inexplicable. C'était au Sénat que les empereurs rendaient compte de leur victoire. C'était le Sénat qui gouvernait dans les interrègnes. Les années se marquaient par consulat. La religion et l'histoire se rattachaient à l'existence sénatoriale. On lisait partout « espécuaire » lorsqu'il n'y avait plus ni Sénat ni peuple. Rome parlait encore de liberté, comme ces rois modernes qui inscrivent au protocole de leur titre les souverainetés qu'ils ont perdues. Jusqu'au règne de Maximin, il y avait eu, sinon intelligence, du moins accord forcé entre les légions et le Sénat. Mais, pendant les troubles de ce règne, les sénateurs ayant élu seuls 3 maîtres furent si satisfaits de ce retour d'autorité qu'ils ne se purent empêcher de témoigner l'envie de la garder. Les légions s'en aperçurent et ne se laissèrent pas dominer. Les empereurs proclamés dans les provinces par les armées s'habituèrent à considérer le Sénat comme un ennemi de leur pouvoir et dont le suffrage ne leur était pas nécessaire. Ils s'éloignèrent de Rome, où ils ne résidèrent plus que rarement et malgré eux. La ville éternelle s'isola peu à peu au milieu de l'Empire, et tandis qu'on se battait autour d'elle, elle s'assit à l'ombre de son nom en attendant sa ruine. Maximin persécuta la religion. On trouve dans cette persécution la première mention certaine de basilique chrétienne. Toutefois, il est question d'un lieu consacré au culte du Christ sous le règne d'Alexandre Sévère. Quelques auteurs ont cru que la persécution avait eu pour but principal en Orient d'atteindre Origène. Le peuple et les philosophes auraient regardé comme un grand triomphe l'apostasie de ce défenseur de l'Église, qui, par l'ascendant de son génie, avait opéré une multitude de conversions. D'autres écrivains ont pensé que la persécution prit naissance à l'occasion du soldat en faveur duquel Tertullien écrivit le livre « De la couronne ». Je vous ai souvent dit qu'à l'élection d'un empereur, l'usage était de faire des largesses aux soldats. Ceux-ci, pour les recevoir, se couronnaient de lauriers. Lors de l'avènement de Maximin, un légionnaire s'avança, tenant sa couronne à la main. Le tribun lui demanda pourquoi il ne la portait pas sur la tête, comme ses compagnons. « Je ne le puis, répondit-il, je suis chrétien. » Tertullien approuve le légionnaire, le couronnement de laurier lui paraissant entaché d'idolâtrie. Auprès des élections par le glaive, se continuaient les élections paisibles de ses autres souverains qui régnaient par le roseau. Le pape Urbain étant mort, avait eu pour successeur Pontien, lequel, exilé dans l'île de Sardaigne, abdiqua. Autéros, qui le remplaça, ne vécut qu'un mois et Fabien fut proclamé évêque de Rome. La science, au milieu des guerres civiles et étrangères, brillait dans les hautes intelligences chrétiennes. Théodose ou Grégoire de Ponce, surnommé le thaumaturge, paraissait. Africain écrivait son histoire universelle qui, commençant à la création du monde, s'arrêtait en l'an 221 de notre ère. L'histoire y était traitée d'une manière jusqu'alors inconnue. Un chrétien obscur venait dire à l'empire éclatant des Césars qu'il était nouveau, que ses faits et ses fables n'avaient qu'un jour, comparés à l'antiquité du peuple de Dieu et de la religion de Moïse. À cette échelle devait se mesurer désormais la vie des nations. La chronique d'Africain ne se retrouve plus que dans celle de Zèbre. Origène publia l'ouvrage qui lui avait coûté 28 ans de recherche. C'était une édition de l'écriture à plusieurs colonnes et qui prit le nom d'hexaple, d'octaple et de tétraple, selon le nombre des colonnes. Dans les hexaples, la première colonne contenait le texte hébreu en lettres hébraïques, la seconde, le même texte, en lettres grecques, la troisième, la version grecque d'Aquila, la quatrième, celle de Symmaque, la cinquième, celle des Septante, la sixième, le texte hébreu de Théodotion. Les octaples avaient 2 colonnes de plus, composées de 2 versions grecques, l'une trouvée à Jéricho par Origène lui-même, l'autre à Nicopoli en Épire. L'idiome des maîtres du monde n'était pas employé dans cet immense travail. Quelques versions latines, faites sur la version des Septante, suffisaient aux besoins de l'Église de Rome et des autres églises d'Occident. Les Grecs s'obstinaient à regarder la langue de Cicéron comme une langue barbare. Les conciles se multipliaient, soit pour les besoins de la communauté chrétienne, soit pour régler la discipline et les mœurs, soit pour combattre l'hérésie. Cyprien, jeune encore, faisait entendre sa voix à Carthage. Homme dont l'éloquence fleurie devait inspirer l'éloquence de Fénelon, comme la parole de Tertullien animait la parole de Bossuet. Tout s'agitait parmi les barbares, les uns s'assemblaient sur les frontières, les autres s'introduisaient dans l'Empire, ou comme vainqueurs, ou comme prisonniers, ou comme auxiliaires. Les chrétiens augmentaient également en nombre et étendaient leurs conquêtes parmi les conquérants. Maxime et Balbin se trouvèrent empereurs après la mort de Maximin. Le premier était environné d'un corps de Germains qui lui était attaché, comme les Suisses et les gardes écossaises, à nos rois. Les prétoriens en prirent ombrage. Ils n'approuvaient point une élection uniquement due au Sénat. Ils coururent aux armes dans le temps que la ville était occupée des Jeux capitolins. Les empereurs, arrachés de leur palais, furent égorgés avec les outrages jadis prodigués à Vitellius. Il y avait dans les archives de l'État des précédents pour toutes les espèces de meurtres et de vices. Maxime, fils d'un serrurier ou d'un charron, était un homme brave, habile dans la guerre, modéré, et si sérieux qu'on l'avait nommé le Triste. Balbin, d'une famille qui passait pour noble sans être ancienne, était doux et affable. On disait du premier qu'il faisait accorder ce qui était dû et du second qu'il donnait au-delà. Le troisième Gordien, petit-fils de Gordien le Vieux, avait déjà été nommé César. Les prétoriens le saluèrent Auguste, le Sénat et le peuple le reconnurent. Ce prince régna trop peu. Il eut pour beau-père son maître de rhétorique, Misité, qu'il arracha aux mains des eunuques. Gordien fit de Misité son préfet du prétoire et son ministre. Misité avait été un homme obscur avant de prendre les rênes de l'État, condition nécessaire pour parvenir lorsqu'on est né avec des talents. Dans la carrière politique, on ne monte point au pouvoir avec une réputation faite. La guerre, sous Gordien III, ne fut pas considérable, mais elle offrit de grands noms. Sapor, fils d'Artaxérès, attaqua l'Empire en Orient, et les Francs se montrèrent dans les Gaules. Aurélien, depuis empereur, commandait alors une légion. Il battit les Francs près de Mayence, en tua 700 et en fit 300 prisonniers. Cela passa pour une victoire si importante que les soldats improvisèrent de méchants vers qui sont restés « Mille francos, mille sarmatas, semel occidimus, mille, mille, mille persas quaerimus. » Ainsi le nom de nos pères se trouve pour la première fois dans une chanson de soldats qui exprime à la fois leur valeur et la frayeur des Romains. Gordien III se prépare à repousser Sapor. Avant de sortir de Rome, il ouvre le temple de Janus. C'est la dernière fois qu'il est question de cette cérémonie dans l'histoire. On présume que le temple ne se ferma plus. Ce fut comme un présage des destinées de l'Empire. Gordien, passant par la Mésie et par la Thrace, défit les Goths et fut moins heureux contre les Alains. Il remporta quelques avantages sur Sapor. Il dut son succès à Misité, que le Sénat honora du nom de tuteur de la République. Gordien eut la candeur d'en convenir en rendant compte de ses victoires au Sénat. C'est être digne de la gloire que de la rendre à celui qui nous la donne. Rome caduque ne portait qu'en souffrant un grand citoyen. Quand par hasard elle en produisait un, comme une mère épuisée, elle n'avait plus la force de le nourrir. Misité mourut, peut-être empoisonné par Philippe, qui lui succéda dans la charge de préfet du prétoire. Dès ce moment, le bonheur abandonna Gordien. Il y a des esprits faits pour paraître ensemble et qui sont leur complément mutuel. Les sociétés à leur naissance réparent facilement la perte d'un homme habile, mais quand elles touchent à leur terme, si des gens de mérite qui leur restent viennent à manquer, tout tombe. Le nouveau préfet du prétoire était arabe et fils d'un chef de brigands. Philippe, d'abord associé à Gordien, finit par l'immoler. Gordien s'abaissa à demander successivement le partage égal du pouvoir, le rang de César, la charge de préfet du prétoire, le titre de duc ou de gouverneur de province, enfin la vie. Le meurtrier lui refusa tout, excepté de petites funérailles. Le dernier descendant des Gracques comptait à peine 23 années. L'humble tombeau du jeune empereur romain s'éleva loin du Tibre, au confluent du Chaboras et de l'Euphrate, à quelque distance des ruines de cette Babylone qui vit pleurer Israël auprès des sépulcres des grands rois. Philippe, proclamé Auguste, et son fils César conclurent la paix avec Sapor et vinrent à Rome. Jugez de l'état où Rome était parvenue. On ne sait si l'on doit placer à l'époque de l'avènement de Philippe l'existence de deux empereurs, un Marcus, philosophe de métier, et un Severus Hostilianus. On ne connaît que les noms de ces deux titulaires du monde, on ignore même s'ils ont régné. C'est aussi à compter de cette époque qu'on nomme tyrans, pour les distinguer des empereurs, les prétendants à l'Empire, lesquels, élus par les légions, n'étaient pas avoués du Sénat. Il n'y avait pourtant entre ces hommes également oppresseurs que l'inégalité de la fortune. On donnait au succès le titre que l'on refusait au malheur. On est encore dans le doute sur la vérité d'un fait grave. Philippe était-il chrétien? Les preuves sont faibles, et nous aurons dans la suite d'assez méchants princes de la foi sans revendiquer celui-ci. mais c'est une marche historique à signaler que la coïncidence de l'élévation à l'Empire d'un Goth dans Maximin et peut-être d'un chrétien dans Philippe. Philippe célébra les Jeux séculaires en 248, 21 avril. Horace les avait chantés sous Auguste, jeux mystérieux, solennisés, pendant trois nuits à la lueur des flambeaux au bord du Tibre et qu'aucun homme ne voyait deux fois dans sa vie. Ils accomplissaient alors une période de 1000 ans pour l'ancienne Rome. Ils furent interrompus, plus de 1000 autres années s'écoulèrent avant qu'un prince de la Rome nouvelle les rétablît sous le nom de Jubilé, l'an 1300 de l'ère vulgaire. Boniface VIII officia avec les ornements impériaux, 200 000 pèlerins se trouvèrent réunis à la fête. Clément VI, Urbain VI et Paul II fixèrent successivement le retour du jubilé, le premier à la 50e, le second à la 33e, le dernier à la 25e année. Clément, en considération de la brièveté de la vie, Urbain, en mémoire du temps que Jésus-Christ a passé sur la terre, Paul, pour la rémission plus prompte des fautes. Les esclaves et les étrangers n'assistaient point aux jeux séculaires de Rome idolâtre. Les infortunés et les voyageurs étaient appelés au jubilé de Rome chrétienne. Philippe fit la guerre aux Carpiens, peuples habitants des monts Carpates, dans le voisinage des Goths. Ces derniers avaient commencé dès le règne d'Alexandre Sévère à recevoir un tribut des Romains. Les Carpiens voulurent obtenir la même faveur et furent vaincus. Tout à coup s'élèvent deux nouveaux empereurs. Saturnien en Syrie, Marinus en Mésie. Dèce, dont le nom rappelle la première grande invasion des barbares, était né de parents obscurs. Élevé au consulat, ou par ses talents, ou par les révolutions qui faisaient surgir indistinctement le mérite et la médiocrité, le vice et la vertu, Dèce se trouva chargé de punir les partisans de Marinus. Ils le forcèrent de prendre sa place, de marcher contre Philippe et de lui livrer bataille. Les crimes étaient tombés dans le droit commun et les guerres civiles formaient le tempérament de l'État. Philippe fut vaincu et tué à Vérone, son fils égorgé à Rome. On raconte de ce jeune homme que depuis l'âge de 5 ans, il n'avait jamais ri. Il ne monta point au trône et perdit les joies de l'enfance. Il les eut gardées s'il fut resté sous la tente de la robe. Dans ces temps, un prince ne périssait presque jamais seul, ses enfants étaient massacrés avec lui. Cette leçon répétée ne corrigeait personne, on trouvait 1000 ambitieux, pas un père. Tel était l'état des hommes et des choses à l'avènement d'Odesse, tout hâtait la dissolution de l'État. Les barbares n'avaient rien devant eux, sauf le christianisme, qui les attendait pour les rendre capables de fonder une société en bénissant leur épée.